Voici votre bulletin régional. Rencontre Activité Femmes d'ici de l'AFEAS de Istengis le 12 janvier à 19h30 au sous-sol de l'église Saint-Louis. Invitation à toutes les femmes. Information 819-832-2656.